Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Rachid Rassoul, je représente le réseau Eni. Alors Eni, vous le connaissez tous a priori pour les stations-service, hein, c'est cet animal légendaire à six pattes qui crache du feu, mais nous faisons également, et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents au salon SME, c'est que nous avons un réseau de distributeurs qui adresse une clientèle 100% B2B, donc 100% professionnelle, et nous vendons des contrats de fourniture d'énergie, gaz, électricité, mais également des services d'efficacité énergétique. Donc le concept existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans en France. Nous avons aujourd'hui une dizaine de partenaires. Comme tout réseau a un cycle, nous avons certains partenaires qui nous ont quittés. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle nous sommes là. Nous souhaitons recruter des nouveaux partenaires un peu partout en France. Alors essentiellement dans le Grand Est de la France, en gros de Metz à Nice. L'idée, c'est d'aller distribuer ces contrats de fourniture d'énergie avec une population de commerciaux. Donc ce que nous recherchons, ce sont des entrepreneurs avec une propension à gérer des équipes commerciales. Vous êtes les bienvenus et nous répondrons à toutes vos questions. À très bientôt.